Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai enquêté sur le festival Actes et Facs, dispositif créé par le service d'action culturelle de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui aura lieu du 21 au 23 juin au Théâtre de la Bastille. On a parlé motivation et besoin des jeunes compagnies, on a parlé accompagnement et audition, et on a essayé de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre ? Au programme de ce podcast un peu particulier, consacré au dispositif Actes et Facs, j'ai rencontré Laura Pardonnet, du service d'action culturelle de l'Université Paris 3 et responsable du projet Actes et Facs, afin qu'elle nous explique le dispositif et le festival. J'ai également rencontré Nicolas Kertzenbaum, parrain d'une des compagnies, metteur en scène associé au Théâtre de Belleville. Bonjour Laura, tu Bonjour. Travailles au service d'action culturelle de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et tu es en charge du projet Actes et Facs. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi cela correspond ? Qu'est-ce que c'est Actes et Facs ? Bien sûr. Bonjour. Actes et Facs, c'est un dispositif d'accompagnement de compagnies théâtrales émergentes, de compagnies théâtrales issues de la Sorbonne Nouvelle. C'est un projet qu'on a monté. Là, on est en train de clôturer la 5e édition. Voilà. Et tous les ans, toutes les années universitaires, on suit un petit groupe de compagnies. C'est un dispositif très intensif où chaque compagnie est associée à une structure culturelle, à un artiste parrain sous le regard duquel la compagnie va travailler. Il y a des parcours de formation qu'on monte avec différents partenaires, des parcours de formation administratifs, techniques, artistiques. En gros, Actes et Facs, c'est 60 rendez-vous entre octobre et mars de formation pour structurer le projet artistique de la compagnie. Et ensuite, dans un deuxième temps, un festival tremplin, on pourrait dire, qui est le festival Actes et Facs, où une petite partie des compagnies suivies toute l'année vont pouvoir présenter leur travail. Voilà, et ça, le prochain festival Actes et Facs approche, puisque ça sera les 21, 22 et 23 juin 2018 au Théâtre de la Bastille. Super. Et quels sont les prérequis pour intégrer le dispositif Actes et Facs ? Donc, être étudiant à Paris 3, mais en études théâtrales ou ça peut Non, être... c'est un dispositif qui est vraiment ouvert à l'ensemble des étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Si on a créé ce projet-là, c'est parce que notre université a une identité particulière, parce qu'effectivement, il y a un département de théâtre et plus largement un UFR art et médias, donc dans lequel il y a du théâtre, de la médiation culturelle, du cinéma, qui sont des départements... qui regorge d'étudiants créateurs, donc on a une sorte de vivier de jeunes créateurs à la Sorbonne Nouvelle, ce qui fait un peu notre identité et notre spécificité, et certains d'entre eux se destinent à se professionnaliser. Et c'est vraiment, le dispositif Actes et Facs existe pour eux. Pour les autres, ceux qui veulent faire une pratique artistique amateur, tester des choses, on a d'autres dispositifs d'accompagnement. Actes et Facs est vraiment destiné aux compagnies qui se professionnalisent. Donc, un des critères essentiels, c'est d'être dans cette dynamique de professionnalisation. Les compagnies qu'on choisit doivent forcément avoir au moins créé déjà un spectacle par le passé, ce qui, pour nous, justifie un peu la solidité de leur structure et de leur projet. Effectivement, il faut qu'il y ait au moins un étudiant dans la compagnie qui soit inscrit à la Sorbonne Nouvelle pour l'année de l'accompagnement, et que cet étudiant ait une place significative dans le projet, donc plutôt à la mise en scène ou comédien. Après, il y a plusieurs cas de figure. Il peut être inscrit dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle année. C'est vraiment ouvert à l'ensemble de la communauté universitaire, même si, bien évidemment, les étudiants qui se tournent vers nous sont plutôt généralement en théâtre, mais on en a aussi en lettres. Et plus le dispositif avance, grossit, plus il touche des étudiants, par exemple, en doctorat de lettres, comme je le disais. Enfin voilà, on est en train d'essayer d'ouvrir un petit peu à d'autres domaines. Donc, qu'il y ait au moins un étudiant à la Sorbonne Nouvelle, avoir un projet de compagnie solide et en être au moins à son deuxième projet. Le troisième critère, c'est qu'il faut que ça soit un nouveau projet de création. Parce que comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement à la création et pas uniquement à la diffusion. Donc en fait, pendant plusieurs mois, le spectacle va être questionné par des artistes professionnels, etc. Donc il faut que la forme soit encore très, très malléable et pas figée. Donc c'est vraiment très important d'être sur un nouveau projet. et être prêt, ça c'est le dernier critère qu'on essaye d'évaluer au moment des auditions, mais être prêt à s'engager dans un dispositif très intensif. Parce qu'encore une fois, ben, je le disais, il y a un grand nombre de rendez-vous, donc il faut beaucoup de temps cette année-là. C'est une formation en soi, TFAC, donc il faut vraiment que la compagnie ait cette disponibilité et cette priorité pour l'année. D'accord. Et quelles sont les différentes étapes? Ça se passe comment sur l'année? Les rendez-vous sont étalés, j'imagine, sur l'année, mais il y a des grandes dates, peut-être des... Tout à fait, oui. Alors, les dates ne sont pas figées, mais de manière générale, avant l'été, on auditionne, on fait un appel, là d'ailleurs, qui est ouvert aux compagnies. Donc là, n'importe qui peut candidater. On récolte des dossiers, il faut remplir un dossier de candidature, normal. Ensuite, on fait une audition, donc qui est plutôt une rencontre, parce que les projets en sont au tout début, donc c'est pas un moment où on montre un projet fini. Là, cette année, elles auront lieu entre fin juin et début juillet, c'est toujours à peu près, voilà, entre mois de juin, juillet, c'est là que se passe le moment de la sélection des projets qu'on va accompagner. Puis on se retrouve en septembre. Une date importante, c'est fin septembre, c'est le speed dating. En fait, on fait un speed dating à la fac entre compagnies ActeFac qu'on a choisies. Il y en a tous les ans une dizaine et 10 artistes professionnels et structures associées au dispositif. Tout le monde se rencontre et ensuite on constitue des binômes entre compagnies émergentes et artistes professionnels. Ça, c'est un grand moment. Ensuite, le dispositif commence, les rendez-vous, comme tu le disais, s'échelonnent tout au long de l'année universitaire. Il y a des moments aussi, à l'automne et au printemps, de carte blanche sur le campus, où là, toutes les compagnies sont amenées à créer ensemble un objet qu'elles montrent à la fac. Puis, au mois de mai, l'audition qui clôture en fait tout ce parcours qui a lieu au Théâtre de la Bastille, et là où on choisit les 6 spectacles sur la dizaine de spectacles accompagnés qui joueront au festival ActeFac au Théâtre de la Bastille, qui lui a toujours lieu entre mai, juin, juillet. Ça dépend un petit peu des années. Okay. Et dernier temps, et je sais qu'il a un peu touffu le projet, donc il y a plein de... plein de checkpoints comme ça tout au long du processus. Et on fait aussi un festival qui est ActeFac Rappel au Théâtre de l'Opprimé, qui a lieu, lui, il a lieu au printemps. Et c'est les compagnies qui ont joué à la Bastille l'année précédente qui rejouent au Théâtre de l'Opprimé l'année suivante. Le festival s'appelle ActeFac Rappel. Voilà un peu les gros jalons. Et pourquoi avoir créé des partenariats avec les théâtres pour ce dispositif? Parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a comme... Il y a le théâtre de Belleville, oui. Il y a le théâtre de la Bastille. On travaille, ouais, là on est partenaire cette année, voilà, avec 20 structures culturelles, avec 20 théâtres. Très différents, c'est une de nos volontés. Enfin, donc, comme tu le disais, il y a le nouveau théâtre de Montreuil, le théâtre de l'Odéon, des scènes plus identifiées, créations émergentes comme le théâtre de l'Opprimé, le théâtre de Belleville, le théâtre de la Loge, le théâtre de la Bastille. Voilà, on a un réseau comme ça de 20 structures. Et évidemment, c'est essentiel parce que dans cette envie d'accompagner les étudiants vers la professionnalisation, il faut qu'ils soient au contact du monde professionnel et donc qu'on les mette en lien. Enfin, ActeFac, en fait, n'est qu'un dispositif de réseau, enfin, et d'abord en tout cas un dispositif de réseau. Donc l'objectif, c'est vraiment que les créateurs émergents rencontrent les personnes qui travaillent dans les structures professionnelles, aux relations avec le public, à la programmation, à la technique, toutes les équipes, les artistes plus confirmés. Voilà, donc c'est fondamental que c'est le projet même, en fait, de tisser ce lien entre monde professionnel du spectacle vivant et compagnie émergente. Et c'est vraiment un projet, enfin les partenaires ne sont pas arrivés après, c'est vraiment un projet qui depuis le départ est né en concertation avec nos théâtres partenaires. Au service culturel de Paris 3, on travaille avec 76 lieux culturels en partenariat. Et voilà, on ne travaille pas évidemment sur ActeFac avec tous, mais c'est ouais. Vraiment de ces réflexions-là, depuis des années qu'on mène avec tous ces lieux, qu'a abouti ce projet. Et justement, là, le but du festival ActeFac, à la fois donc, en juin à la Bastille, au Théâtre de la Bastille, et après le rappel au Théâtre de l'Opprimé, c'est aussi de présenter des programmateurs. Vous essayez de faire venir des professionnels, oui, la totalement. Presse aussi, pour les aider à décoller peut-être. Ouais, l'objectif, effectivement, c'est que ces festivals soient des tremplins. Par le passé, donc là on en a la 5e année, des relations secrètes par la suite. Enfin, il y en a eu entre, entre plusieurs compagnies et plusieurs théâtres. Je pense au théâtre de Vanves et à l'ensemble Esprit Libre, au théâtre du Soleil et à la compagnie En Eau Trouble. Enfin voilà, j'ai pas, mais il y a des relations en fait qui se tissent au moment du festival. Et effectivement, tous les ans, je constitue un comité de professionnels composé encore une fois de professionnels qui ont des métiers divers, des metteurs en scène, des programmateurs, des directeurs de lieux, des chargés des relations avec les publics. Et tout ce comité voit un maximum de spectacles, fait des retours ensuite aux compagnies. Et voilà, on essaie de, du coup à ce moment-là de créer le lien. Après, c'est un festival tremplin sans jury à proprement parler, sans prix, contrairement à d'autres festivals dédiés à l'émergence. C'est une volonté là aussi de ne pas être à ce moment-là dans quelque chose de concurrentiel. Mais effectivement, c'est un moment de visibilité important pour les compagnies. Et les théâtres aussi peuvent apporter des lieux pour les répétitions, pour les résidences ? Ouais, c'est essentiel. Donc, je parlais du. À Paris 3, vous avez un lieu comme ça, une salle de répétition ? Alors, à Paris 3, sur le campus actuel, on ne va pas tarder à déménager, mais sur le campus actuel, les infrastructures sont un peu limitées. Il y a effectivement 3 salles de pratique artistique, utilisées également pour des ateliers des départements. Donc, on a un accès assez réduit, restreint à ces salles-là. On essaye quand même de garantir tout au long de l'année 3 heures hebdomadaires de répétition à chaque compagnie Actefac. Pendant les moments de carte blanche, les créneaux de répétition sont plus amples. Mais après, effectivement, on compte beaucoup sur les 20 structures culturelles partenaires chaque année pour qu'elles dégagent des espaces pour leurs compagnies filleules. Parce qu'en fait, le parrainage, qui est un petit peu au centre par un artiste, le parrainage est aussi effectué et pris en charge par la structure. Enfin, vous le voyez bien à Belleville, vous êtes associé à la compagnie du Théâtre au Corps. L'idée, c'est que tout l'ensemble du théâtre de Belleville s'implique et essaye d'aider la compagnie, notamment en lui prêtant des espaces de répétition. Mais voilà. Là, ce qu'on a vu aussi, par exemple, pour Théâtre au Corps, c'est à la fois notre travail de nous leur faire des retours sur leur dossier, sur la mise en scène, donc on a le parrain, mais en même temps, pendant les auditions, on s'est aussi concerté avec tous les partenaires qui étaient là, pour faire des remarques que toi, tu as prises en compte et que tu as noté que nous, à Belleville, on n'aurait pas forcément noté parce que chacun a ses sensibilités. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'ensemble des partenaires qui... Oui, effectivement. Donc, il y a, en fait, voilà, il y a ce suivi très régulier avec la structure. Donc, la structure marraine noue un lien particulier avec sa compagnie filleule tout au long de l'année. Et au moment de l'audition finale au Théâtre de la Bastille, là, le jury effectivement est composé de représentants de chacune de ces structures, et c'est tous ensemble, de manière collégiale, qu'on essaye d'émettre un avis sur chaque projet, ce qui est plus ou moins difficile. Et voilà, c'est pas le moment le plus agréable du dispositif, mais il est important aussi, et on s'est rendu compte par le passé, que cette journée d'audition est aussi quelque part un moment de visibilité pour les compagnies qui se retrouvent devant un jury de professionnels assez nombreux. Enfin, tu l'as vu, on était une trentaine de personnes dans le jury. Et donc ça leur permet presque, cette audition finale, de montrer une sorte de maquette de leur projet en cours. Et ça peut créer là aussi des liens par la suite, même si la compagnie n'est pas sélectionnée au final pour jouer à la Bastille. Et là, audition qui était particulièrement compliquée, c'est pareil tous les ans, le format de 15 minutes. Oui. C'est que sur un spectacle qui doit faire environ 1h15, on leur demande de présenter 15 minutes. Oui, c'est ça. Les 15 minutes sont montées de la manière dont ils veulent, les 15 premières minutes, ou juste des extraits, les 15 minutes de la fin, ce qui serait un choix un peu étrange, mais pourquoi pas. Original. et pourquoi, entre guillemets, seulement 15 minutes 15 minutes plus 15 minutes après, retour aussi par les structures partenaires qui sont présentes dans la salle. Mais... C'est ça, en fait, chaque passage... Donc, au moment de cette audition au Théâtre de la Bastille qui a eu lieu là le 2 mai 2018, on est ce jury d'une trentaine de personnes. Chaque compagnie, donc là cette année on en suivait 11, passe pendant 30 minutes en fait, sur le plateau du théâtre, on est face à eux, découpé en 15 minutes de passage au plateau et 15 minutes d'échange. Et effectivement, c'est court de montrer un travail en 15 minutes, en plus sans technique, etc. Pourquoi est-ce qu'on se limite à 15 minutes? Tout simplement parce qu'on a 11 compagnies à voir. Donc là, tu l'as vu, la journée, on s'est retrouvé de 9h à 19h30, faire plus, ça me semble quand même un petit peu compliqué. Et en plus de ça, je pense que ça sert aussi les compagnies, parce que finalement, montrer des formes courtes, le format audition, c'est quelque chose qu'elles doivent apprendre à maîtriser. On l'a vu ensemble le 2 mai, il y en a qui arrivent très bien à gérer cet exercice, d'autres moins, il y a des choix stratégiques à faire sur ce qu'on montre. C'est ce que tu disais, le début, la fin, montage, voilà, l'effet de teasing, est-ce qu'il est réussi ou pas. Donc je pense que c'est les aider aussi, en fait, de les confronter à cet exercice qu'elles retrouveront plus tard dans le monde professionnel. Et puis aussi, oui, beaucoup font des teasers vidéo. Ouais. C'est toujours la question de qu'est-ce qu'on met dans ces 3 minutes de ouais, teasers vidéo. Super compliqué. Et il faut... faut savoir faire les bons choix qui, évidemment, selon les pièces, sont pas les mêmes. Oui, et puis qui, des fois, sont ouais. un peu énigmatiques. Des fois, quelque chose fonctionne. Moi, c'est ce qui me frappe toujours, en fait. C'est des fois, la magie du théâtre est là, quelque chose se passe. Et souvent, c'est assez énigmatique et inexplicable. Ouais. Pourquoi là, ça a pris? Pourquoi là, ça n'a pas pris? Donc, nous, on essaye, et vous aussi, de leur donner les meilleurs conseils possibles, même s'il n'y a pas, on le sait, de formules qui marcheraient à tous les coups. Mais voilà, en tout cas, je pense que tous ces exercices, dont les auditions... ça leur apprend, même si c'est effectivement dur quand on leur annonce que ça sera 15 minutes, toutes les réactions, tous les ans sont les mêmes, c'est la panique. Mais voilà, mais en même temps, ça les force à avoir en fait une sorte de lucidité, de recul sur leur projet, à prendre un peu de distance, et je pense que c'est vraiment important pour elles. Ok. Et jusqu'ici, les retours que vous avez eus, concrètement, sur les premières compagnies qui sont passées, c'est au niveau des aides que vous avez apportées, il y a une efficacité. Je pense que je connais la compagnie Avant l'Aube. Oui, oui. Pour qui ça marche plutôt bien. Et ouais. Je pense que ça a été une très belle expérience aussi. Elles ont beaucoup appris. Alors là, pour le coup, est-ce que j'aurais assez de distance vu que je l'ai montée? Non, mais je pense que ça existe ailleurs, ce type d'accompagnement. Je ne suis pas dupe non plus. Mais que le fait d'associer un accompagnement très intense, avec après la possibilité d'être dans un festival tremplin, d'associer les deux, me semble assez pertinent. C'est le retour qu'on a des compagnies. Et là, le dispositif évolue d'année en année. On a par exemple vachement renforcé le parcours administratif. C'est-à-dire que les compagnies, pendant toute l'année, se voient tous les lundis dans l'espace de coworking de l'université pour travailler sur la structuration de leur projet, avec des professionnels qui peuvent être aussi bien des enseignants-chercheurs de l'université que des personnes travaillant dans les théâtres. Y a plein de profils qui interviennent. Et c'est progressif, ça va de la construction du dossier de présentation au pitch, aux demandes de financement. C'est évolutif comme ça tous les lundis. Ça, je crois que c'est un vrai plus et que c'est quelque chose qu'elles ont du mal à trouver visiblement ailleurs, cet accompagnement structurel-là. Un des autres points forts, à mon sens, c'est la mise en réseau. C'est-à-dire que pendant... C'est ce que je disais tout à l'heure, mais déjà pendant tous ces mois, 10 compagnies vont travailler ensemble et donc vont créer déjà ce réseau entre elles, et c'est très important ce réseau de compagnies émergentes entre elles, et avec ce tissu de partenaires qu'on tisse autour. Donc oui, les retours qu'on a généralement, même toujours, sont très enthousiastes, et le seul regret des compagnies qu'elles nous formulent, c'est de ne pas pouvoir rester dans Actefac plusieurs années. Souvent, elles se sentent un peu... certaines, en tout cas, se sentent un peu... seule après avoir passé un an comme ça, en étant très accompagnée. Voilà, donc dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir faire différents niveaux, qu'il y ait les anciens Actefac qui continuent à être accompagnés. Enfin, on a plein d'idées d'évolution du projet qui demandent forcément des ressources et de l'imagination, mais on essaye de le faire évoluer en tout cas. C'est une sorte d'incubateur Startup Nation. Voilà, totalement. C'est de l'entrepreneuriat culturel, un incubateur si tu veux. Voilà. D'accord. Donc il y a vraiment cette aide. Ce côté professionnalisant du dispositif et aussi tremplin, ouais. qui fait que c'est un dispositif très intéressant et qui marche bien. Vous avez beaucoup de candidatures tous les ans? Oui, on en a beaucoup. Après, je pense... Les dossiers sont à béton. Voilà. Après, les critères sont quand même assez précis. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas candidater à Actefac. On a beaucoup de candidatures. Après, je pense qu'on pourrait en avoir plus. L'année dernière, on a eu... une trentaine de dossiers complets, vraiment, de candidatures, de gens qu'on a auditionnés, une trentaine, et on en a pris 11. Je pense que sur la population d'étudiants de la Sorbonne Nouvelle, on pourrait quand même aller un petit peu plus loin. Et c'est ce que j'espère, en fait. C'est là le dispositif à 5 ans. Et on sent quand même qu'il commence à être de plus en plus identifié, qu'on vient nous en parler de plus en plus au fur et à mesure de l'année, aussi bien dans les structures partenaires que chez les étudiants. Donc voilà, je pense que c'est ce qui se passe. Plus les années passent, plus le nombre de gens qui candidatent augmente. Mais par contre, le nombre de compagnies accompagnées, lui, restera toujours stable, autour de 10. On peut pas apporter un accompagnement de qualité au-delà. On n'a pas les ressources pour ça. D'accord. Et du coup, l'audition, là, les candidatures sont ouvertes. Elles ont ouvert le 14 mai. Elles se clôtureront le 17 juin à minuit. Tout est en ligne sur le site de la Sorbonne Nouvelle. Et les moments d'audition, ça sera entre fin juin et début juillet. En gros, pendant 10 jours. Ok, super. Voilà. Bon, bah, nous, en tout cas, on se retrouve pour le festival. Avec plaisir. Au Théâtre de la Bastille, les 21, 22 et 23 juin, pour voir un peu le résultat de la 5e édition. Super, merci bon beaucoup. Bon courage pour les auditions pour la 6e. Merci. Merci, Laura. Salut. Bonjour Nicolas, tu es metteur en scène et ta pièce Swan s'inclina poliment a été programmée en début d'année, donc en septembre dernier, au Théâtre de Belleville. Comme le Théâtre de Belleville travaille depuis longtemps avec le dispositif Actefac, tu as été le parrain associé au Théâtre de Belleville pour ce projet. Comment est-ce que tu as connu ce projet? Comment est-ce qu'on t'a proposé et pourquoi tu as décidé de devenir parrain? Ouais, en fait, moi je fais beaucoup de transmissions. C'est un truc que j'adore peut-être parce que j'ai moi-même pas eu les profs que j'aurais adoré avoir. Et donc, quand on te propose de faire de la transmission à des équipes plus jeunes, tu te dis « Ouais, c'est cool parce que tout d'un coup, tu vas peut-être pouvoir transmettre, refiler des infos à des équipes qui, tu sais, n'ont pas ces infos-là. » Et donc, quand à Belleville, on m'a proposé d'être le parrain d'une compagnie avec tes facs, c'était plutôt évident que j'allais dire oui. En fait, tu vois, tout d'un coup, tu vas pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens qui sont plus jeunes que toi, qui galèrent un peu moins que toi, t'as galéré, tu fais « ça sera sympa !» Parce que toi, t'as fait quoi comme formation et justement, t'as buté sur quoi en fait? Moi, comment j'ai. Comment t'as fait pour t'en sortir? Dans le marasme des compagnies. Alors, moi, j'ai pas fait la voie royale. Enfin, j'ai toujours l'impression en fait qu'en France, t'as quand même la voie royale qui est celle que quand tu sors d'une école nationale, où t'as pu rencontrer des professionnels pendant les 3 ans où t'y as été, où t'as été intégré au JTN, etc., c'est plus simple. Moi, j'ai pas eu ça. Voilà, j'ai tenté le TNS en mise en scène, ils en prenaient 2, je suis arrivé 3e. Et bon, voilà, tu vois, il en faut à chaque fois un. Bon, malheureusement, c'est tombé sur moi. Et donc, tu te retrouves avec des jurys qui te font « Ah, c'est sympa, c'était vachement bien ce que vous avez fait, on va continuer à suivre votre travail. » Mais bon, évidemment, toi, tu ne fais pas le DL et cette école-là. Et donc, tu travailles vachement dans des lieux alternatifs et tu essayes de... T'es un galérien, quoi. Enfin, tu vois, tu prends tes petites rames et puis t'y vas. Et, mais c'est pas seulement être un galérien au niveau de... Tu te rappelles dans des salles pas chauffées, etc. C'est aussi être un galérien au sens de... Tu sais pas comment... C'est quoi la grammaire du milieu? Quand je parle de grammaire du milieu, c'est que... une fois que t'es dans le milieu, en fait, il y a des choses qui te semblent parfaitement évidentes. Un peu comme quand tu parles une langue. Une fois que tu parles la langue française, le subjonctif, il paraît complètement naturel. Je veux que tu viennes. C'est évident. Sauf que apprendre à des étrangers qu'on dit que après je veux que il y a du subjonctif, c'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est la même chose en fait. J'ai l'impression dans le théâtre en fait, c'est-à-dire que il y a plein de règles qui existent, qui sont des règles parfaitement non dites, qui sont une fois que t'es dans le milieu, qui sont complètement évidentes, mais que quand t'es pas du milieu, en fait, tu respectes pas ces règles et elles te placent dans une catégorie qui est celle de l'outsider, du mec qui est donc à côté et qu'on ne prend pas au sérieux. Donc c'est vraiment important en fait, à un moment donné, que tu puisses connaître ces règles-là, que personne ne va jamais te transmettre, qui sont des règles qui sont transmises quand tu es à l'intérieur du milieu, mais en fait qu'on te les transmette assez rapidement pour qu'on puisse te prendre au sérieux à l'intérieur du milieu. Des règles évidemment de jeu, des règles de communication, plein de règles différentes qui sont celles du théâtre français. Mais c'est aussi le but de ce podcast. Là, on a des masterclass aussi qu'on fait avec le Théâtre Paris-Villette et le Centre Paris-Anime Léal. C'est justement une jeune compagnie qui n'a pas été formée forcément à créer un dossier de diffusion, à créer ses supports de communication, leur donner un peu les tips. Pareil en régie, avoir le même vocabulaire que le régisseur, ça aide aussi à être crédible. Bah ouais, bien sûr. Et un peu moins... Enfin, paraître un peu moins candide dans ce milieu difficile. C'est vraiment des codes qui existent et qui sont des codes assez subtils et qu'il faut connaître de l'intérieur. Et si personne te les donne, tu vas juste les apprendre en prenant des râteaux. Et c'est la première fois que tu participais comme ça à de l'encadrement d'une compagnie, parce que c'était en plus sur du long terme, c'est un projet de plusieurs mois. Vous avez commencé quoi, septembre-octobre jusqu'à avril-mai. C'est ça. En fait, moi, je fais pas mal de formation, enfin de transmission, tu vois. Mon boulot, c'est... Il y a quatre... Tu vois, quand t'es chef de compagnie, t'as quand même 4 grandes... cordes, enfin à ton arc, tu fais t'écris, enfin moi j'écris, je mets en scène, je fais beaucoup d'administration, tu vois, de développement de ma compagnie et je fais beaucoup de transmission. Donc tu vois, la transmission c'est quand même une des grandes parties de ma compagnie et donc pour la transmission, je transmets pas mal, donc à la fois c'est des lycéens, tu vois, dans le cadre du bac, pour les préparer, option lourde, option facultative, je suis prof à Sciences en fait, avec le CDN de Montreuil. J'enseigne à des adultes Et voilà. Et là, c'est la première fois qu'on me disait, bon, ben voilà, t'as des jeunes compagnies qui veulent se professionnaliser, est-ce que tu peux leur filer un coup de main? Donc, c'est là, vraiment la première fois que ça m'arrivait pour des jeunes compagnies. Et donc, il y a eu un speed dating début septembre. Ouais, ouais. Où il y avait donc toutes les compagnies et puis tous les représentants des théâtres partenaires. Ouais. Ça s'est passé comment? Comment est-ce que vous avez choisi? Alors moi, je suis arrivé une heure en retard parce que j'avais mon réveil à pas sonner. J'ai quand même vu les deux tiers des gens. Et puis voilà, en fait, c'était un peu étrange ce truc-là parce que t'as 5 minutes pour voir les gens, pour qu'ils te parlent de leur projet, etc., etc. En fait, c'est leur administratrice en fait que j'ai vue, leur productrice. Voilà, donc on a un peu parlé. Comme c'était eux, ils étaient quand même sur des thématiques de genre et que moi j'avais fait un spectacle qui s'appelle Nouveau Héros, qu'on a beaucoup tourné en fait et qui parlait en fait de ça. En fait, l'idée c'était Hercule qui vit aujourd'hui et à qui on jette un sort et qui est transformé en femme. Et donc qui est censé, une fois qu'il est devenu une fois qu'il devient une femme, en fait, il est traité exactement de la même manière que lui traitait les femmes avant. Mmh. Et il comprend 2-3 trucs en fait. Et eux, comme ils étaient aussi sur qu'est-ce qu'ils font de la masculinité, bon ben voilà, il y avait des thématiques communes et le dialogue il a pas été très compliqué. Donc on s'est bien entendu et donc une fois que tu vois que t'as rencontré les compagnies, donc les compagnies, toi tu dis voilà j'aimerais bien travailler avec cette compagnie, peut-être cette compagnie, et puis les compagnies disent moi j'aimerais bien travailler avec ce metteur en scène, et puis voilà, et puis tu croises quoi, je pense qu'ils ont une matrice où ça croise et puis ils essayent de faire en sorte que chaque compagnie travaille avec un metteur en scène qui a envie de travailler avec elle quoi. Et ton rôle tout au long de l'année, ça a été lequel en tant que parrain? Ouais, moi je suis un peu embêté par rapport à cette équipe là moi. D'abord, je leur ai dit, bon, bah, on va voir ce que vous savez faire, bon, montrez-moi le spectacle là où il en est, que puis juste, je puisse vous dire. En fait, quand ils ont montré ensuite le spectacle, moi j'étais hyper embêté parce qu'ils étaient hyper bons. Hein. Enfin, tu vois, c'est ce que je leur ai dit, les gars, vous êtes inscrits à Paris 3, mais c'est Eliakim, il est inscrit en thèse, et tous les trois, ils finissent l'ESSAD, hein, donc c'est quand même une super école, et en plus, ils ont une promo très particulière de l'ESSAD, puisque c'est une promo qui avait décidé de travailler avant tout sur le mouvement, donc ils ont des corps géniaux. Enfin, tu vois, ouais. Moi, c'est un truc où... ils ont des corps géniaux, ils savent utiliser leur corps, ce qui est ultra rare chez les acteurs, quoi. C'est, tout d'un coup, tu vois des gens qui... ont une maîtrise parfaite de leur instrument corporel. Ils savent exactement comment placer les corps, tu vois, ils ont une conscience de ça. Donc déjà, tu fais, bon, ça, je vais pas vous l'apprendre, vous l'avez super bien. En fait, quand toi, tu te retrouves face aux gens à ta compagnie, tu vas pas te mettre en position de maître, quoi. Ils ont 10 ans de moins que toi, enfin, tu vois. Donc l'idée, c'était plus de leur dire voilà ce que j'ai vu et que les questions que je me pose par rapport à ce que j'ai vu et comment est-ce que on peut les questions que leur spectacle pose en fait, pas leurs questions artistiques mais plutôt les questions de ah, attention, j'ai l'impression qu'on est un petit peu faiblard là-dessus, j'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu bancal, comment est-ce que eux deux ils pourraient résoudre la question, comment un ils peuvent entendre la question, est-ce que la question que je me pose leur paraît pertinente, et deux, est-ce que ils ont une réponse à ça, mais surtout que ce soit pas moi qui apportent les réponses, ça reste vraiment leur spectacle à eux. Tout ce que je fais, moi, c'est juste leur communiquer les questions que je me pose en voyant leur spectacle. Ouais. Et après, c'est à eux de voir si la question leur paraît pertinente ou la question leur paraît pas pertinente, et ensuite, s'ils ont envie d'y apporter une réponse ou pas, et laquelle. Mais il s'agit surtout pas de dire « Alors moi, si j'étais toi, tu vois, je ferais plutôt ça et plutôt ça. » Parce que c'est non, pas... ça reste leur création. C'est leur création. Toi, t'es juste là pour dire... Écoute, moi, je me pose cette question-là, ça me paraît pas clair, ce moment, il me paraît un peu obscur. C'est fait pour ou pas que ce soit obscur? Non, oui. Bah, si c'est oui, bah, tu laisses tel quel. Si c'est non, tu dis... Alors, est-ce qu'on peut se poser cette question-là ensemble? C'est quoi la réponse que tu trouverais? Eux t'ont posé des questions. Enfin, est-ce que, par exemple, Eliakim, donc, qui est le metteur en scène de la pièce, t'as demandé des conseils, je sais pas, sur la direction d'acteur, sur l'écriture, Enfin, tu vois, c'est vraiment... On s'est... L'objet qu'il m'avait filé était un objet qui était vachement cohérent en lui-même, en fait. Donc il y avait pas vraiment de questions à poser. Moi, on a vu l'œuvre ensemble, et puis ensuite j'ai pris 8 pages de notes, et puis je leur ai dit voilà, il y a ça que je me pose comme question. Il y a cet endroit de jeu que je trouve hyper intéressant. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? Ces transitions, j'ai l'impression que c'est un peu abrupt. Ce moment donné où vous êtes dans le public, je sais pas à quoi ça ça correspond pour vous. Tu sais, c'est vachement intéressant de juste... Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Tu vois, j'adore cette phrase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te pose une question sur ton œuvre et que tu ne peux pas y répondre, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et c'est hyper important, en fait, de pouvoir répondre aux questions qu'il y a sur ton œuvre, de comprendre l'univers que tu as été créé. Ou alors de dire, ben voilà, c'est une part de mystère, je tiens à la garder, etc. Mais tu sais à ce moment-là que tu n'as pas de réponse et que ça reste dans un espèce de flou. Vous êtes vus combien de fois, du coup, avec la compagnie? C'était des rendez-vous réguliers? C'est eux qui t'appellent quand... En fait, on s'est vus 3 ou 4 fois, je crois. Et c'était des moments donnés où on se voyait le matin. Enfin, tu vois, le samedi matin, on répétait 3 heures ensemble. Donc, eux, ils avaient le théâtre une demi-heure avant, ils s'échauffaient, puis hop, on partait. Et c'était parti. Et puis, c'était des trucs très simples. Hein. On déroulait le spectacle, et puis on s'arrêtait, et puis on se posait des questions sur ce moment. Comment est-ce qu'on pourrait... comment est-ce qu'on pourrait se poser davantage de questions sur ci ou sur ça? Enfin, très simple. Et c'était vraiment plus sur la mise en scène? Enfin, est-ce qu'il y a eu des échanges, je sais pas, à propos de la production, de la diffusion? Non, enfin, non, aucun. Parce que toi, enfin, tu fais pas juste la mise en scène, c'est non, ce que non. tu disais tout non, à non, l'heure c'était... aussi. Moi, en fait, ce qui... Tu diriges ta compagnie, donc... Ouais, c'était vraiment... C'était plus que sur la mise en scène, moi j'ai gardé tout sur... Enfin, tu vois, j'ai gardé toutes leurs idées sur la mise en scène, c'est plus sur la dramaturgie, sur comment, en fait, l'œuvre, elle se construisait elle-même, comment les éléments, ils se répondaient les uns aux autres. Ce genre de truc, savoir comment t'écris un dossier, comment tu réponds à des interviews, et tout ce genre de truc, en fait, c'est des choses que... t'apprends au fur et à mesure parce que tu te prends des râteaux. Parce que tes premières interviews, elles sont tellement pourries, en fait, que tu fais « Oh là là !» La prochaine fois... Pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas parlé du centre du spectacle. J'ai répondu aux questions, j'ai juste été complètement à la périphérie. Les gens, ils vont lire l'interview, ils vont jamais comprendre de quoi parle le spectacle. Tu vois, donc c'est pour ça que... On te donne pas si souvent la parole que ça, donc... dis ce que tu veux dire. Tant pis pour les questions. Et toi, est-ce que cette expérience, ça t'a apporté quelque chose? Ce qui est super, en fait, c'est que... Y a des trucs... Est-ce que ça t'apporte à un niveau professionnel? Je sais pas, parce que toi, t'es quand même... en tant qu'artiste, t'essayes d'être quand même... C'est difficile d'être auto-centré, mais t'essayes de l'être. Enfin, difficile. C'est-à-dire que t'essayes de continuer à tracer ta ligne à toi. Donc, en même temps, ta ligne, elle est toujours poreuse à toutes les rencontres que tu fais. Donc, en voyant des jeunes compagnies à nouveau, tu te fais... Ouais. Il y a des gens maintenant qui arrivent. Il y a plein de nouvelles vagues qui arrivent. Et c'est super réjouissant. Et eux, ils ont tout à gagner et rien à perdre parce qu'ils sont personne dans le milieu. Ils osent des trucs que voilà, plein de gens oseraient sans doute plus. Et c'est vachement chouette. C'est vachement revigorant, ça te donne envie d'aimer l'humanité, en fait, de travailler. Ouais. Enfin, tu vois, donc c'est pas un endroit purement professionnel, c'est plus un endroit... Et du coup, avec Théâtre au Corps, donc la compagnie que tu parrainais, vous avez continué à vous voir? Tu peux essayer de les suivre? Et ben là, samedi, on a encore 3 heures pour continuer à parler de ce... Tu vois, de travailler un petit peu encore sur le spectacle, tu vois, leur peut-être qu'on va travailler peut-être sur des aspects plus prod et com, et puis on verra comment ça va se passer après. Mmh. Tu vois, c'est... Après, moi, je tiens pas à m'immiscer là-dedans. C'est-à-dire que les liens, ils se créent s'ils doivent se créer. L'important, c'est que tu dis aux gens, vous avez mon tel, vous avez mon mail, et je suis hyper dispo. Et voilà. Bon, et donc on ne te verra malheureusement pas le 21 juin au Festival de la Bastille. Mais non, je ne serai pas là. Je dis ça avec un grand sourire, mais je serai en vacances. Voilà. Mais on t'en dira des nouvelles, on va enfin pouvoir voir la forme complète. Ouais. Et on est hyper curieux. Bah ça va être très beau. Moi je vous le dis, ça va être super. On n'en doute pas. Non, merci beaucoup pour cette rencontre. Et je t'en prie, c'était un plaisir. Et voici pour les interviews des professionnels qui font exister ActeFac. Nous espérons que cet épisode a pu vous aider à connaître un dispositif dédié aux compagnies désireuses de se professionnaliser. Je remercie encore Laura Pardonnet, la responsable du service d'action culturelle de l'Université Paris 3, mais aussi Nicolas Kaptenbaum, metteur en scène et directeur de la compagnie Franchement Tu. Le festival ActeFac aura lieu au Théâtre de la Bastille du 21 au 23 juin, et ce festival est gratuit. Il vous suffit de réserver vos places sur le site d'ActeFac, dont le lien est juste en dessous, dans la description du podcast. Vous aurez 2 pièces différentes tous les jours, qui joueront à 19h puis à 20h30. Le 21 juin, le jeudi, vous pourrez retrouver Happy Mal par la compagnie Le Théâtre au Corps, dont nous parlions dans cet épisode, puis Vers l'accord par la compagnie Ensemble. Le vendredi 22 juin, vous pourrez retrouver Une pucelle pour un gorille par la compagnie Ulysse Caldor, puis Lire Factor par le collectif Projectile. Enfin, le samedi 23 juin, il y aura Mysterioso 119 par le collectif Laba et Ulysses par le collectif Coupernic. Que des belles pièces que nous avons déjà vues en avant-première et que nous vous recommandons fortement. Pour rappel, si vous aussi vous êtes une jeune compagnie avec au moins un étudiant à Paris 3, renseignez-vous auprès du service d'action culturelle de Paris 3 Sorbonne Nouvelle pour participer aux auditions pour la 6e édition d'ActeFac.